Tout à l'heure, nous avons parlé de si, wenn, dans le sens de si vous voulez. C'est un des sens de si qui pose une condition et nous place dans un monde qui n'existe pas vraiment. Par exemple, si vous étiez riche, vous pourriez m'aider. Comme nous l'avons vu, ce premier si se traduit en allemand par wenn. Mais il y a aussi un autre si, c'est le si qui sert à poser indirectement une question à laquelle on répondrait par oui ou non, comme dans « Savez-vous si je peux le faire ainsi ?» Si, dans ce sens, se dit « op ». O-P. Op. Op. Bien. Donc, si vous voulez dire « Je le ferai pour vous, si vous voulez », quel si allez-vous employer pour dire « si vous voulez » ? Wenn. C'est ça, wenn. Mais si vous cherchez à dire « Je ne sais pas si vous voulez le faire », vous emploierez op. Bien, comme vous le voyez, wenn et op traduisent deux sens différents de si. Donc, si vous voulez dire je vais essayer, mais je ne sais pas si je peux le faire, essayer se dit versuchen. Versuchen. Suchen, qui s'écrit S-U-C-H-E-N, signifie chercher. Suchen. Donc, suchen, c'est chercher, mais versuchen, avec V-E-R au début du mot, versuchen veut dire essayer. Versuchen. Alors, comment direz-vous j'essaierai, mais je ne sais pas si je peux le faire? En allemand, il faut commencer par dire je vais essayer cela. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Mais je ne sais pas si je peux le faire. Aber. Mm-hmm. Je ne sais pas. Ich weiß nicht. Bien. Aber ich weiß nicht. Si. De quel si s'agit-il? Ob. Ob, c'est ça. Donc, si je peux le faire. Avec ob. Il se passe la même chose qu'avec weil. Donc, si je peux le faire, ob. Ob ich es tun kann. Oui. Aber ich weiß nicht. Mais je ne sais pas. Ob ich es tun kann. Si je peux le faire. On retrouve donc la même situation qu'avec weil, où le verbe est rejeté à la fin de la phrase. Et maintenant, comment diriez-vous je ne sais pas si c'est possible de le faire? Je ne sais pas, c'est ich weiß nicht si c'est possible de le faire, ob es possible, möglich. Bien, ich weiß nicht, ob es möglich ist, de le faire, es zu tun. Bien, ob es möglich ist, es zu tun. Et maintenant, comment diriez-vous je ne sais pas s'il sera possible de le faire, mais je vais essayer. Je ne sais pas s'il sera possible de le faire. Ich weiß nicht. Si. Wenn, non. Ob. Ob, c'est ça. S'il sera possible. Si cela sera possible. Ob es möglich sein wird. Wird, oui, tout à fait. Ich weiß nicht, ob es möglich sein wird. Wird. De le faire. Es zu tun. Bien. Ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, es zu tun. Mais je vais essayer. En allemand, il faut dire je vais l'essayer. Aber ich werde. Bien. Aber ich werde. Es versuchen. Bien. Aber ich werde es versuchen. Je vais essayer. Encore une fois, je ne sais pas s'il sera possible de le faire. Ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, es zu tun, de le faire. Aber ich werde es versuchen. Mais je vais essayer.